mécanique, lorsqu'une personne peut percevoir sans savoir, elle sait si une autre personne en parle. À ce moment, c'est l'ego qui sent. Est-ce que cette perception est se faire confiance? Qu'est-ce que le doute dans cela? Bon, on recommence une question à la fin. OK. Quelle est cette... Français, géométrie. Non, c'est bon de lire tout, on se donne une idée de ce qu'on va répondre. Quelle est cette mécanique lorsqu'une personne peut percevoir sans savoir? Ben, c'est ça. On appelle ça la perception. C'est d'ailleurs le phénomène de la perception. C'est ce qui fait souvent que les individus qui ne sont pas suffisamment préparés ont peur. Parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne savent pas ce qu'ils perçoivent, ils ne savent pas ce qu'ils sentent. Et face à l'inconnu, l'ego colore toujours en négatif. Elle sait si une autre personne en parle. À ce moment, c'est l'ego qui sent? Non, la personne peut percevoir des choses et puis elle n'a pas suffisamment de conscience. Ça, sa structure cérébrale n'est pas orchestrée de façon à terrestrifier sa perception. Et si quelqu'un parle de la même chose, elle peut s'ajuster et puis comprendre ce que l'autre dit puis se rendre compte que ça peut être ça. Maintenant, ce qui va arriver, bien souvent, l'ego, c'est lui effectivement qui va apprendre. Et en même temps, le mental peut se nourrir énergétiquement de la connaissance qui vient de pénétrer. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'ego qui sent ou qui perçoit. L'ego peut aussi percevoir la perception et être informé de quelqu'un qui le dit. Est-ce que cette perception est se faire confiance? Ça dépend de la perception. Faites-vous confiance à votre perception? Et si oui, vous faites confiance. Mais percevoir, ce n'est pas se faire confiance. Et qu'est-ce que le doute dans cela? Ben, le doute, ça serait simplement que moi, pauvre petit andouille comme je le suis, ce que je perçois, c'est nécessairement faux. Et la personne, souvent, elle arrive à des contextes particuliers. Si je perçois que la personne là-bas, elle est correcte, ben, je ne suis pas sûr qu'elle est correcte. Ça veut dire que je ne suis pas sûr de ma perception. Puis la personne qui mentalise, elle peut continuer, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui dit que ma perception n'est pas bonne? Fait qu'elle n'est pas sûre non plus. Fait qu'elle n'est pas sûre qu'elle est mauvaise, mais elle n'est pas sûre qu'elle est bonne. C'est ce qu'on appelle le doute du doute astral. Puis là, ben là, elle ne peut plus rien faire. Mais une personne qui est confrontée à une vision de rien de faux, mais de plusieurs, de milliers de possibilités qui sont vraies, ça peut créer une forme d'énergie qui ressemble au doute. Oui, sauf que ça ressemble au doute. Pourquoi? Parce qu'il y a le doute de sa perception. OK, donc il y a encore un doute. Tu as, par exemple, quelques milliers de possibilités. Et pourquoi il y a le doute? Parce que tu ne te fais pas confiance. Tu n'as pas confiance dans ta perception. Oui, mais je ne sais pas laquelle prendre. Prends celle que tu vas prendre. Mm-hmm. Oui, mais je ne sais pas. C'est ça, tu n'as pas confiance. Tu n'as qu'à avancer, puis tu vas rentrer quelque part. Tu rentres dans une librairie ou dans une bibliothèque, tu ne sais pas quel livre prendre. Puis tu as qu'à passer tes mains sur le livre, à un moment donné, peut-être qu'il y en a un qui va te... Tu penses que ça peut être bon. Là, tu le prends, puis c'est... Ça n'a rien à voir avec ce qui t'intéresse. Par contre, probablement que l'individu qui est passé avant, lui, était vachement intéressant. Et ta perception va donc t'indiquer des choses. Sauf que la personne qui ne comprend jamais rien ou qui, le moindrement... Parce que regardez ceci, moi, je fais confiance... Je sais que mes perceptions sont bonnes, ce qui fait que moi, dans la bibliothèque, je prends un livre, je l'ouvre, puis c'est un livre qui ne m'intéresse pas. La majorité des personnes se diraient, tu vois, ma perception n'est pas bonne. Immédiatement, moi, je me dis, ah ben, le dernier qui a touché devait être correct. Oh. Puis là, on va dire, ouais, mais ça, c'est du positivisme. Non, c'est pas ça du tout. J'ai perçu quelque chose qui m'a attiré. Puis ma perception, elle est fonctionnelle. Alors, si c'est pas ce que mon ego pensait, ça doit être d'autres choses. Je ne remets pas en question ma perception parce que ce que mon ego pensait n'est pas bon. C'est comme je dis de temps en temps, je fais confiance à quelqu'un ici dans la salle, je lui fais confiance qu'il ne me volera jamais. Ma perception me dit qu'il est, il n'y a aucun problème. À un moment donné, j'apprends qu'il m'a volé de 2 000 $. Qu'est-ce que je me dis? Immédiatement, c'est, il va avoir une maudite bonne raison. Non, je suis toujours convaincu que le gars est correct, que la fille est correcte. Ma perception, elle est correcte. Il devait y avoir une raison. Et là, la raison, c'est que, ben voilà, ben, il s'est fait ramasser comme il faut. Il s'est fait ramasser par l'astral. Puis maintenant, va-t-il avoir confiance en lui? Oui, ben si je vibre, puis oui. Ben, il t'a volé. Il m'a pas volé. Il s'est fait charrier. Ça n'a rien à voir. Puis il y a d'autres personnes qui, eux, sont toujours charriés à voler. Alors, eux, ma perception fonctionne. Va me dire, il ne fallait pas confiance. Mais quand il arrive quelque chose, la majorité des personnes, vous allez remettre vos perceptions en doute, alors que moi, immédiatement, j'amène une raison qui fait que je ne remets pas rien en doute. C'est un ami, c'est une amie, puis à un moment donné, il se passe telle chose, immédiatement, je fouille, avec ce que vous en savez suffisamment pour faire la même chose. Mais immédiatement, c'est pas, ah ben maudit, j'aurais jamais pensé ça d'elle, c'est vraiment pas ça qui m'arrive. C'est immédiatement, il y a dû se passer quelque chose de particulier pour qu'elle fasse quelque chose comme ça. Ou encore, écoute, ton égo de charrie, là, calme-le un peu, mais moi, j'ai rien avec la personne, c'est tout la même chose. La perception, quand on sait, que quand on arrive à reconnaître la saveur de nos perceptions, puis à discerner entre les perceptions qui sont astralisées de celles qui sont instantanées, donc supramentales, ça fait en sorte qu'on sait. Alors, comme le livre, c'est la même chose. Ta perception va te donner... Le livre est intéressant, ça c'est la théorie. Mais ta perception va faire en sorte qu'une énergie intéressante va t'attirer. C'est plus vrai. À l'énergie du livre, c'est ce qu'on veut. Puis là, tu prends le livre, ça n'a rien à voir là-dedans. Non, mais la main qui l'a touché avant toi était peut-être très intéressante, elle. Il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas. Mm-hmm. Et immédiatement, la personne remet en doute. Et quoi? Ben, elle. Plutôt que de vouloir fouiller plus loin dans l'explication. C'est pourquoi l'individu est toujours en train de se remettre en question. Daniel, je viens en conférence depuis quelques mois. Tu m'as aidé énormément et je veux maintenant que quelque chose... faire quelque chose pour toi. Que puis-je faire selon mon développement? Absolument rien faire. Je ne dis pas ça pour... Pourquoi vous ne pouvez rien faire? Parce que tout ce que vous pourriez faire, je l'ai déjà fait. C'est un peu comme ma mère qui m'appelle à toutes les années pour me dire que quel cadeau de Noël que je veux, puis je suis trop bien mal pris parce que j'ai dit tout le temps, écoute, ben, quand je veux quelque chose, j'attends pas Noël, je me l'achète. Parce que j'ai besoin de rien Noël. Elle m'a toujours dit que j'étais un gars compliqué. Alors c'est un peu la même chose, et surtout que l'évolution supramentale se sert de tous les individus, ce qui fait que de toute façon, si vous aviez à faire quelque chose, ça aussi c'est déjà fait. Bon, pour moi, on n'a rien à foutre. Mais juste le fait que vous soyez capable de comprendre des choses et d'avancer, du moins rester individuel, ne devenez pas un disciple, ce serait déjà une bonne chose. Ben, c'est parfait. On n'a pas rien à faire. Moi, je suis mal pris à devoir être avec vous autres, et vous autres, vous êtes mal pris à devoir être avec moi. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Daniel, quand, en termes d'années, seras-tu impliqué politiquement sur Terre? Je parle de la politique à un niveau supérieur. Ça me regarde. C'est ça. Lors d'une visite à Montebello, le groupe avec lequel j'étais a trouvé difficile la façon de se comporter des chefs. Comment leur expliquer ces différences d'attitude pour ne pas les induire en erreur? Il n'y a pas grand-chose à expliquer à ces personnes-là pour la simple raison que les personnes doivent comprendre, c'est les en comprendre. Ce que l'on doit comprendre aussi, c'est que les personnes incluses dans la question ici sont des personnes qui n'ont pas trouvé difficile la façon de se comporter des chefs. Par contre, dans le groupe ici, il y a deux ou trois personnes qui, elles, se sont fait heurter un peu égoïquement. Et ces personnes-là ont communiqué leurs problématiques au reste du groupe. Et la personne, elle débute avec travail de groupe comme ça, puis c'est l'un des gros problèmes, la stigmatisation. Quand on parle avec des individus qui l'ont vérifié, on se rend compte finalement que, disons, sur 20 personnes, 17 sont bien heureux, et que deux jours après, sur 20 personnes, ben, il y en a deux qui sont bien heureux. C'est passé quoi? Ben, c'est passé qu'il y a des gens qui ont rencontré plein de choses. Et comme j'expliquais à un moment donné astralement à une personne, tu sais, telle personne, pendant la journée, par exemple, un exemple que je donne là, bon, elle a fait telle chose, tu sais, c'est écœurant. C'est vrai. Puis le reste de la journée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, le reste de la journée, ça a bien été. T'es un bel imbécile, toi. Tu ramasses 30 secondes, 1 minute, 2 minutes de toute une journée au complet, puis tu décides que c'est ça qu'est l'individu. Ça, c'est typiquement humain. Passer 20 ans sans voler, vous volez une fois, vous êtes un maudit voleur. Eh oui, c'est typiquement humain. Je ne peux pas expliquer ça, mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. Et il y a autre chose aussi. C'est qu'il y a des individus qui, présentement, sont en phase d'identification. Donc, ils sont totalement anticollectivistes. Et ces individus-là doivent aussi participer à un travail. Ils doivent être avec des individus capables d'apprendre, bien qu'eux soient allergiques à être avec d'autres qui ne sont pas déjà à leur niveau. Et nécessairement, là, il y a des heures. Les individus travaillent extrêmement chez eux pour s'adapter, mais évidemment, en même temps, de temps en temps, ils vont dire à quelqu'un bonjour, puis ça va ressembler à un coup de poing. Et les individus qui se conscientisent doivent comprendre. J'ai entendu une personne, je ne parle pas uniquement de ces individus-là, je vous explique plein de choses. J'ai entendu une personne dire, « Ouais, mais gars, c'est ça être mental, moi je ne veux pas être mental. » Alors, c'était quoi le problème? Ben, telle personne là-bas, à un moment donné, on faisait ci, on faisait ça. Ah, c'est bien. Dans les mentales qu'il y avait là, est-ce que tu en as vu qui s'amusait? Ah oui? Alors, pourquoi tu penses que mental, c'est être comme ça? Pourquoi c'est pas être comme les autres? C'est toujours être comme on veut pas qui est en avant. Alors que tu as aussi l'exemple de d'autres phénomènes extrêmement intéressants de la mentalisation supramentale. Mais à un moment donné, c'est un peu comme si tu vas dans un centre de santé. La première personne que tu rencontres est malade. Tu dis, torieux, moi, je ne viens pas ici. Ben oui, mais c'est sûr, dans un centre de santé, tu as rencontré des gens malades. Et des gens qui sortent en santé. Et en santé de leur séjour. Faut comprendre l'idée, évidemment. Bon. Mais les individus, c'est typiquement humain de conserver. Il y a peut-être une jalousie, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a des gens qui ont apprécié énormément. Et par la suite, eh bien, on fait quoi? Eh bien, si on ne peut pas être intégré dans le groupe, la meilleure chose, c'est de désintégrer le groupe. Ça veut dire de faire en sorte que c'était peut-être pas si bien que ça. Alors qu'à là, au départ, c'était très bon. Mais c'est ça. Une personne qui vole une fois sur 20 ans, c'est un maudit voleur. Alors, sur une personne, dans la journée, peut-être qu'elle a fait une ou deux choses, parce que ça travaille en dedans, déjà qu'elle doit travailler avec des individus, et c'est fondamental, pour ne pas que l'individu finisse par se prendre au sérieux, d'être avec des individus qui se conscientisent aussi. Et la personne, elle va retenir uniquement deux ou trois éléments qui peut-être étaient très justifiés pour son ego, peut-être ne l'étaient pas. Puis le reste de la journée, on l'oublie. Et on observe un individu sur une vingtaine et on en décide que... Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes, à un moment donné, qui venaient aux conférences régulières, puis quand ils voyaient Sylvie Adam, l'évolution qui s'est au complet supramentale, ça venait là, les gens se poussaient. On avait beau leur dire, écoute, cesse de regarder à mauvaise place, tu regardes ailleurs. Hein? Mais dans la tête des gens, il restait quoi? Il restait, et ça. Tu n'as rien à faire. C'est pour astral. Mais, il y a des gens qui sont restés. Puis elle aussi. Puis tout est correct. Surtout que la majorité des gens, pas tout le monde, la majorité des gens qui, à un moment donné, ciblent un individu hier à travers le lot, vont souvent, plus tard, passer par les mêmes étapes. C'est plus atténué, c'est pas aussi puissant. Ils n'ont pas à s'en vanter. C'est parce que les autres ont passé avant. Ça atténue ceux qui passent après. C'est de l'évolution. Les individus qui se promènent et qui vont des places s'attendent à rencontrer quoi? Il y a une projection. Vous savez, le groupe des chefs, c'est quelque chose. Il y en a évidemment qui ont une projection du groupe des chefs. Un groupe des chefs, c'est des êtres humains. La nuance avec la majorité, c'est que leur évolution se fait 24 heures sur 24. Je parle consciemment, je travaille là-dessus. Donc, ils mettent du temps, ils mettent de l'argent, ils mettent des énergies, ils sont prêts à se le faire taper dedans, ils sont prêts à comprendre, ils sont prêts à travailler. Et à un moment donné, il faut qu'ils soient prêts aussi à instruire, parce qu'on apprend le mieux ce qu'on enseigne souvent. Et c'est là qu'on le remet. Et ces individus-là, ben, les personnes, à un moment donné, ils viennent là, et puis ils s'attendent à voir quoi? À voir des moines bouddhistes, en robe rose, marchant en sandales dans la neige. Peut-être. Mais il y en a qui sont déçus. Puis, il ne faudra pas qu'ils rencontrent des vrais moines bouddhistes, parce qu'il y avait un paquet là-dedans qui se retirait de bord vite. Quelle est la différence entre Iblis et Lucifer? En ce qui nous concerne, présentement, aujourd'hui, il n'y a pas grande différence. Les deux font partie de l'illusion, les deux font partie de la structure de concept. Et dépendamment des structures de pensée, les deux ont des rôles similaires à jouer. Ça ne vaut pas la peine de tout redéfinir. Peut-être à un moment donné, j'en ai ras le bol de parler de Lucifer, c'est pour ça que je coupe un peu. Si si toute la mécanique de la création a été ainsi prévue par quelque chose, celui-ci est omnipuissant. S'il l'est, c'est qu'il voulait que ce soit ainsi et pas autrement, et donc l'hypothèse de l'accident n'est plus valide. Sinon, Dieu, ou ce qui cause ça, n'a pas pu tout prévoir, et donc n'est pas omnipuissant, et n'a pu prévoir la mécanique luciférienne ni aucune autre. Comment peut-on tout prévoir dans un accident, ou alors il ne s'agit plus d'un accident? Vous savez, on peut faire un accident et tout prévoir. Vous pouvez lancer une balle de billard au hasard, comme ça, en arrière, puis une fois que c'est parti, mathématiquement, c'est facile de prévoir tout ce qui va en suivre. Ça n'empêche pas, ça peut être un accident. Si toute la mécanique de la création a été ainsi prévue, mais rien n'a été prévu, l'être humain est intentionnel, le reste accidentel. Maintenant que c'est parti, on connaît la résultante. Pourquoi? Uniquement parce que c'est accompli, c'est fini. En ce qui concerne la mécanique des dieux puissants ou ces choses-là, on pose le paradoxe intéressant, que certains connaissent, mais que plusieurs ne connaissent pas. C'est ça. Si Dieu est totalement puissant, est-il capable de créer quelque chose de tellement lourd qu'il ne pourrait pas le soulever? Ben, si Dieu ne peut pas le soulever, c'est qu'il ne peut pas tout. Puis s'il ne peut pas créer une chose comme ça, c'est qu'il ne peut pas tout. Puis c'est vrai. Si Dieu n'est pas capable de créer un objet lourd à un point tel qu'il ne peut pas le lever, c'est que Dieu ne peut pas tout. Alors Dieu peut le créer. Ben, s'il peut le créer et il ne peut pas le lever, c'est que Dieu ne peut pas tout. Dans le contexte créativé qui nous entoure, on doit comprendre le principe. Omnipotent à l'extérieur. Ici, non. Tout pouvoir, non. Mais dans un contexte omnipotent, disons au niveau du plan bouddhique ou intentionnel, c'est faisable de créer un objet tellement lourd qu'on ne pourrait pas le lever. Et quand tu dis tu ne peux pas le lever, on pourrait le lever. Puis quand tu dis regarde, tu le lèves, il va s'écraser. En réalité, tous les points de vue peuvent être inclus, ce qui fait que ça va rendre la chose probable et possible. Dans le contexte humain, non. Présentement, les divinités créées par l'homme, à l'image et la ressemblance de l'homme, ne sont ni omnipotentes, ni omniscientes, ni omniprésentes. Maintenant, regardons ceci. Quand je dis que la création est accidentelle, je parle toujours du point de vue de l'homme. Et je l'ai déjà expliqué. Et pourquoi j'amène l'idée de la création accidentelle? C'est parce que prochainement, dans les années à venir, cela va permettre de comprendre énormément de mécaniques ascensionnelles, des mécaniques d'intervention, des mécaniques aussi de guerre. Parce que du point de vue de la réalité, le terme est très, très, très limité, très petit, on va dire quand même de la réalité extra-créationnelle, il n'y a pas de création. Ce n'est ni accidentel, ni intentionnel. Mais une chose à la fois, de l'intention divine de créer parce qu'il s'ennuyait, à la thèse de la création accidentelle, c'est déjà un immense cheminement avec la vision de l'intentionnalité de l'homme. L'homme est la seule particule créactivée en contact par la gestion de pensée à la mécanique intentionnelle. Il ne peut pas l'exprimer, mais il est en contact avec elle. L'homme est effectivement intentionnel, c'est la solution à la problématique créationnelle. Et présentement, c'est préférable de considérer la création comme étant accidentelle. Mais si on veut juste aller plus loin, elle n'existe de toute façon pas, la création. Vous n'existez pas, vous n'êtes même pas là. Mais ne cherchez pas à comprendre, parce que vos égos, dans la mémoire, ils sont là. Donc on est là. Mais on n'est pas là. Qui est Mordred? Ça aussi, je suis un petit peu tanné de parler de Mordred. T'as-tu d'autres questions? On va en venir après. C'est une bonne question. Mais j'en ai parlé souvent. Qu'est-ce que la chirurgie astrale? Et donne des exemples dans tes explications. Pas trop, pourquoi? Parce que vous ne devez pas le faire. C'est une mécanique d'intervention puissante qui peut être dangereuse si elle n'est pas comprise et si elle n'est pas faite par les individus qui sont aptes à la faire. La chirurgie astrale nous permet de faire un voyage astral à l'intérieur de notre âme, plutôt que de le faire à l'extérieur dans le monde astral, de rencontrer l'ego, de voir l'ego, et de commencer à découper l'ego, à transformer l'ego en énergie, à la coller dans le périsprit, et c'est ça la chirurgie astrale. Il y a des mécaniques pour pénétrer l'ego, pénétrer l'âme, sans risquer de rester pris dans l'âme. Et puis, il faut être assez solide pour ne pas se faire ramasser par le gros globule blanc qu'est l'ego. Que signifie vivre ou toucher les limites de son mensonge cosmique? Ça signifie ce que l'individu qui l'a dit a voulu dire. Si on parle d'une façon plus absolue de la mécanique, vivre ou toucher les limites de son mensonge cosmique, c'est atteindre l'initiation solaire fusionnelle, c'est-à-dire c'est avoir le contact fusionnel suffisamment en processus avec le double éthérique. Ça veut simplement dire que l'individu a une conscience qui maintenant va lui permettre d'échapper aux limitations du mensonge cosmique de notre galaxie. Et parce que les mondes sont similaires, connaissant notre galaxie, on connaît la majorité des galaxies, on verra à un moment donné à reconnaître l'univers, mais l'univers est à peu près pas occupé, ce qui fait qu'il n'y a à peu près aucun mensonge à l'intérieur de l'univers, un petit peu, mais vraiment pas gros. Alors, vivre ou toucher les limites de son mensonge cosmique, c'est parvenir à la fusion, donc à l'initiation solaire terminale. Encore une fois, il y a des individus qui peuvent dire, à un moment donné, astralement ou spirituellement, que moi, j'atteins la limite de mon mensonge cosmique. C'est vrai. Ils ont totalement raison. Là, on parle de la limite astrale du mensonge cosmique, c'est-à-dire que l'individu atteint la limite du concept qu'elle a du mensonge cosmique. Dans deux jours, dans deux semaines, dans deux mois ou dans deux ans, elle va vivre la désillusion des dieux. Elle va se rendre compte qu'il y a encore trois ou quatre lieux de mensonge cosmique à éliminer. Et puis, à un moment donné, elle va encore atteindre la limitation de son mensonge cosmique et encore des illusions des dieux. Et elle verra qu'il y en a encore un peu. Puis à un moment donné, elle aura l'impression qu'il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Et c'est vrai. Parce que le mensonge cosmique est courbé par l'espace-temps. L'individu tourne en rond. Donc il y en aura tout le temps. Jusqu'au jour où il aura la capacité de courber l'espace-temps, créer une tangente, une ligne droite, et là, la personne pourra atteindre une initiation solaire qui va faire en sorte qu'elle va quitter l'idée, le concept, ou l'obligation, ou l'oblitération astrale qui est reliée au contexte qui est activé en quatre dimensions, ce qu'on a présentement ici. Qu'est-ce qu'un transport séraphique? Le transport séraphique, c'est le meilleur moyen de voyager. Premièrement, vous arrivez toujours à l'heure, vous partez toujours à l'heure, il n'y a jamais d'écrasement, ça ne vous coûte pas une scène, il n'y a personne qui fait ma barre. Alors, c'est réellement impeccable. Le corps vital, c'est le corps qui entoure l'âme, qui paramètre l'âme. Le corps vital est divisé en deux parties énergétiques, une partie séraphique et une partie qui est chérubinique. La partie chérubinique est la partie intérieure. C'est dans la partie chérubinique qu'on va rencontrer l'interpréteur actionnel, le chérubin Yann, qui permet à l'âme de s'exprimer et de faire bouger le corps physique. Et un interpréteur de lecture, le chérubin Yin, qui lui va lire ce qui se passe dans le corps physique pour le transmettre à l'âme. Autour de cela, il y a la partie séraphique, qu'on appelle aussi le mental. La partie séraphique est une énergie vitale qui n'est pas directement en contact avec la partie astrale, donc avec l'âme, mais qui est en contact par le biais des chérubins. La partie séraphique, le séraphin individuel, la partie séraphique est une partie mentale qui, elle, a la possibilité d'entrer en contact avec le processus supramental. C'est une excroissance du séraphin qui va engendrer l'ajusteur de pensée, et c'est une excroissance du séraphin qui, à long terme, va engendrer le double éthérique. Un double éthérique, c'est le séraphin totalement purifié des chérubins. Donc, c'est la partie supramentale qui, par télékinésie directe, fait bouger l'anime, le corps physique, ce qui permet à l'individu de traverser les murs, de voler ou de faire ce que le Nazaréen a fait. On fait de ce qu'on connaît, parce qu'il fait bien d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et la partie séraphique va donc lentement engendrer un processus qui est un canal, l'ajusteur de pensée. Finalement, il y aura le double éthérique qui va être constitué. Et à un moment donné, quand il y aura suffisamment une purification de l'âme, une anégoïsation complète, eh bien, le séraphin corporel et le séraphin supramental, le double éthérique, vont maintenant se regrouper pour se fusionner. On parlera donc de fusion supramentale, ou enfin, corpo supramental. Le séraphin a aussi la capacité, dans le plan moronciel, l'endroit où vivent les âmes avant le monde de la mort, l'endroit où il y a de l'énergie vitale planétaire, mais anastralisée, il n'y a pas de mémoire astrale là-dedans. L'énergie du double éthérique a la capacité, donc le séraphin du double éthérique a la capacité de recréer d'autres excroissances, des tentacules, qui sont d'immenses canaux, et ces canaux-là peuvent se promener et rejoindre d'autres mondes. Le séraphin, c'est la première particularité ou expression humaine qui n'est pas assujettie à l'espace-temps ou aux courbures gravitationnelles de l'espace-temps. Ça veut dire que le séraphin n'est pas assujetti à un déplacement limité très très très lent, celui de la lumière, 300 000 km à la seconde. Le séraphin a un déplacement disons, temporelle, beaucoup plus rapide. Il n'est pas confiné aux courbures gravitationnelles qui limitent la vitesse de déplacement de la matière. Juste, le photon, d'ailleurs, est un phénomène matériel. On dit qu'il n'a pas de masse parce qu'on ne mesure pas encore suffisamment précisément ou encore on n'a pas une idée complète de ce qu'est la masse. Alors, le transport séraphique, c'est lorsqu'un individu est capable d'envoyer une tentacule séraphique à travers la galaxie, à travers l'univers, à travers le super-univers. Donc, il peut aller relativement loin. Et lorsque cette tentacule séraphique entre en contact avec un monde qui n'est pas effusé comme le nôtre, donc souvent des mondes extraterrestres qui sont restés dans un niveau d'expression plus élevé que les niveaux actuels, on pourra pour mieux comprendre se référer à la conférence « Le processus d'effusion », une conférence régulière. Lorsque l'individu a suffisamment de contrôle sur ses structures séraphiques, donc sur son globe éthérique, lorsqu'il a digéré 100 ou 16 ajusteurs de pensée, parce qu'on peut en avoir plusieurs, il a la capacité de prendre sa conscience, d'aller dans son globe éthérique, et de là, en un temps, un mouvement, c'est plus rapide que deux temps, trois mouvements qu'on connaît, alors il voyage dans le canal séraphique, c'est un transport séraphique, et là, immédiatement, il aboutit dans des régions qui ne sont pas connues de la mémoire astrale de l'homme, qui ne sont pas connues de la conscience de l'homme, qui ne sont pas connues non plus du rêve de l'homme, des désirs ou des espoirs de l'homme. C'est ça qu'on appelle le transport séraphique. Il y a plusieurs individus dans les années à venir qui seront transportés par véhicules séraphiques. Donc, ils seront amenés dans un globe éthérique suffisamment matérialisé. Les gens parleront d'aéronefs, enfin de véhicules extraterrestres ou de véhicules spatials. Et dans cette capsule séraphique, ils pourront être transportés dans d'autres contextes qui n'ont foutrement rien à voir avec la vitesse de tortue qui sert présentement au déplacement des vaisseaux terriens. Quand on parle d'aller visiter une autre galaxie à plusieurs, millions d'années-lumière d'ici, ça prendrait plusieurs millions d'années à la vitesse de la lumière, ce qui fait que ça ne vaut même pas la peine de partir. En transport séraphique, vous ouvrez une porte, vous traversez et vous êtes rendu. C'est le transport séraphique. Je me rends compte du niaisage de l'ego par la partie centrale de celui-ci, c'est-à-dire l'orgueil. Ça m'est très pénible et difficile en ce moment de le mater, de lui faire baisser pavillon. Parce que c'est une partie de votre ego qui a développé le concept de l'évolution, du contrôle de l'ego, et c'est cette partie de l'ego qui essaie de faire baisser pavillon à l'autre. C'est pourquoi ça devient pénible. Si vous seriez suffisamment mental, ça ne serait pas pénible. Ça serait impossible, ça ne serait pas pénible. Impossible actuellement. Ça ne serait pas pénible, et progressivement, ça finirait par l'être. On peut se battre contre l'ennemi, puis on peut aussi simplement cesser de le nourrir. Et si on cesse de le nourrir, on gagne. Alors, chaque fois qu'on veut contrôler l'ego d'une façon traditionnelle, on le nourrit. Regardons une technique PMC. On contrôle le corps physique, on contrôle le corps vital, on contrôle le corps mental, on contrôle les particules du corps supramental. Et on se fout de l'ego. On va nourrir le corps astral. Le corps astral est essentiel. Pas l'ego. De ce fait, on ne peut pas, quand on parle de colère mentale, quand on parle d'ajupène, technique d'ajustement de la pensée, c'est pour développer le corps mental, quand on parle de menfi, c'est le mental contrôlant le physique, quand on parle de kenvi, canalisation de l'énergie vitale, c'est encore au niveau du corps vital, quand on parle des techniques tragales, c'est uniquement au niveau de l'évolution supramentale, quand on parle des techniques écofi, écologie physique, c'est uniquement au niveau du corps physique, en fonction de permettre au mental de contrôler le système endocrinien. C'est de nourrir le corps astral? Non. C'est de nourrir l'ego? Oui. De déconnecter des mécaniques endocriniennes. Et ça fonctionne. Mais on cesse de lutter traditionnellement sur l'ego. Sinon, on crée une particularité de l'ego qui veut contrôler une autre structure de l'ego. Et on n'arrive pas. Laissez faire vos égos. Je le dis souvent. C'est comme une connerie. Oubliez-la. Vous ne l'avez jamais vécu. Oui, mais c'est quand même. Laisse tomber. Soyons mental, soyons vital, soyons physique, soyons vivants. Le reste, oublions-le. On ne regarde pas, ça fait partie des mémoires du passé. Ou de ceux qui veulent s'en rappeler. Je laisse les chevaux mener et non le cocher. Tant qu'à être astral, je le suis jusqu'au bout. Je suis divisée, je n'arrive pas à m'unifier, à trouver la force pour faire disparaître l'orgueil. Chose est certaine, ça va venir. Ça fait partie des réponses plates, mais qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pas le temps, on va expliquer n'importe quoi. C'est évident que vous allez finir par y parvenir. La seule chose qu'il y a, c'est que vous devez continuer à vous baigner un peu dans certaines formes d'énergie. Et à un moment donné, vous allez avoir juste ce qu'il faut pour commencer à bouger les choses. Mais l'ego, c'est un bon véhicule. 3 000 à 4 000 chevaux. Alors, évidemment, vous allez mater 200-300 chevaux, il va en rester quelques-uns. Et puis là, progressivement, on finit par mater, puis au bout de quelques temps, on arrive à mater tous les chevaux. Le temps est relatif. Comment peut-on en parler et l'assujettir à un espace et donner, par exemple, le 18 novembre 1990? Ben, uniquement parce que c'est pratique. Mais ça n'existe pas. Le 18 novembre 1990, c'est où que quelque part dans l'infini? Ben, c'est nulle part. On fait comme on veut. Sauf que, du point de vue de l'astral, c'est utile et important de structurer les choses. Pourquoi? Parce que ça permet de finaliser des concepts. Quand on parle d'une date d'aujourd'hui, on finalise ce qu'on appelle le passé. Et le passé, c'est ce qui fait partie de la mémoire. La date est inclue là-dedans. Mais quand on parle de structure temporelle comme ça, c'est uniquement parce qu'on est des créatures, en majorité des créatures du temps, des créatures de la mémoire, et ça permet de déterminer des laps, d'où est le moment présent, l'instantanéité, où est la région qu'on ne connaît pas, qui fait partie des mémoires de l'avenir, et où est la région que l'on connaît plus ou moins, qui font partie des mémoires du passé. C'est uniquement une question de permettre à l'ego de se retrouver dans un cadre où la mémoire est prédominante, dans un cadre qui n'existe pas du point de vue cosmique, mais qui est fondamentalement présent du point de vue de l'astral. Donc la date, elle devient une illusion, et elle est essentielle. Et on doit apprendre à se servir des formes, ce que j'explique souvent. On découvre que telle chose est une illusion, c'est vrai. Mais continuez à vous en servir, parce qu'actuellement ici, c'est utile et pratique. Mais je dis bien, tolérez-les. À un moment donné, ça va changer. En attendant, c'est comme ça. Ce qui détermine un temps donné pour un observateur, est-ce l'espace précis dans lequel il se situe, plus son cadre matériel et son cadre événementiel? Non, c'est l'observateur qui détermine tout. Il détermine les cadres, le temps et tout. Si un observateur réussit à changer soit son espace, soit son cadre matériel ou soit son cadre événementiel, fait-il immédiatement partie d'un autre temps? Oui, mais il ne réussira pas à le faire. Si l'observateur change, il fait partie de notre temps. Et nécessairement, les cadres vont changer. La négociation et les techniques PMC agissent sur le cadre événementiel astral de l'humain. Ceci peut-il provoquer chez l'humain un changement de temps? Les techniques PMC agissent sur la structure matérielle, effectivement, jusqu'aux techniques tragales qui sont la suite du programme maître-contrôleur, et elles agissent uniquement en fonction des mécaniques de temps et d'espace. Lorsqu'on est capable d'englober tous les temps multiples et parallèles, est-ce le fait que l'on est hors de tous ces temps? Non. On est à l'intérieur de tous ces temps et c'est là qu'on devient immortel. Mais on n'est pas encore intemporel. Si l'on vit hors du temps, est-ce les mémoires qui se font... On ne peut pas vivre hors du temps. La vie nécessite la présence du temps. Mais pose la question, on va dire que... Si l'on vit hors du temps, est-ce les mémoires qui font en sorte que l'on demeure dans le temps et non pas éjecté par celui-ci? Bon, ben voilà, c'est ça. On ne peut pas vivre dans le temps. Donc les mémoires sont très relatives. Il y a beaucoup d'autres mémoires que celles-là. Les mémoires ne sont pas très relatives. Et vu que la personne, elle a une question, elle est bon, on peut ajuster un petit peu, c'est très bon. Mais une mémoire ne peut pas être relative. Elle est relative. Parce que très relative, des grands partants. Alors, la mémoire est relative. Il y a beaucoup d'autres mémoires que celles d'Astral, voire galactiquement et universellement. Absolument. La mémoire galactique porte un nom. Supramental. Est-ce voir toutes ces mémoires? Non, et oui, dépendamment du niveau où on est rendu. Quand on arrive au phénomène créationnel, le temps au complet ainsi que la mémoire est totalement résorbée. On devient temporel, donc on n'existe plus. Mais on n'existe plus, on est là. Mais on n'existe pas. Bon, et dépendamment des niveaux où l'individu va se promener, vous savez, on a une mémoire très, très, très limitée, une mémoire astrale, une mémoire relativement limitée planétaire. Quand on atteint une mémoire galactique, c'est pourquoi tout à l'heure j'expliquais, ce n'est pas de l'omniscience. Et pour l'humain, c'est comme si vous aviez une lettre, puis subitement on vous donne le gros Larousse. Vous en avez des lettres, là. Alors ça donne l'impression qu'on a tout. Bon, au niveau du plan supramental, tu n'as pas tout encore. Mais c'est exponentiel, hein? Tu allais voir que une demi-seconde plus loin. La saveur de ces mémoires vient-elle avec l'infusion? Y a-t-il des êtres dans la création qui sont capables de s'infuser et de s'effuser presque aussitôt, c'est-à-dire des êtres qui ont le parfait contrôle du temps de leur infusion et par la suite de leur effusion? C'est-à-dire... Bon. Infusion et effusion, ici, c'est la même chose. L'effusion est la descente de l'homme, de l'énergie dans la matière, et la fusion est le retour inverse. C'est-à-dire des êtres qui sont assujettis au temps et qui, à volonté, ne sont plus assujettis à aucun temps. Il n'y a pas d'êtres comme cela. Par contre, il y a des êtres qui n'ont pas été créés, qui ne se reproduisent pas et qui ne mourront pas, qui existent. Eux ne sont pas assujettis au temps du point de vue de leur existence, mais ils sont assujettis au temps du point de vue de leur déplacement. On pourrait aller très, très, très loin, mais on va perdre des bouts, on n'aura pas le temps. Et il y a d'autres mécaniques qui ne sont pas des êtres, qui, elles, sont pré-existentielles, donc ne sont pas soumises au phénomène du temps, ni dans le déplacement, ni dans l'existence. Si l'on contrôle le temps, est-on par le fait même des assujettis de l'espace? Officiel, c'est évident. Et l'inverse est nécessairement vrai. Si on contrôle l'espace, on contrôle nécessairement le temps. Les deux sont la même chose, avec simplement des visions différentes. Quand on voit... Bon, si vous prenez un morceau de métal, si vous le faites vibrer, à un moment donné, on va entendre un son. C'est l'oreille qui entend. Si on le fait vibrer un peu plus fort, puis à un moment donné, il va commencer à être chaud. On touche, c'est la chaleur, mais c'est la même vibration à un niveau plus haut. S'il vibre encore un peu plus, il va commencer à dégager de la lumière, commence à être rouge, commence à être blanc même à un moment donné. Et là, c'est les yeux. Mais c'est toujours la même vibration dans le même morceau de métal. Toute évolution est la même, c'est le même genre de phénomène. La seule différence qu'il y a, c'est que notre vision, elle est particulière. Dans l'évolution à travers les plans, c'est la même chose, c'est comme si on ouvre de nouveaux sens. C'est une seule chose, c'est une seule mécanique. On a des sens différents qui nous font dire, ça c'est un bruit, ça c'est une lumière, une image, ça c'est quelque chose qu'on touche, ça c'est une odeur. Et on pourra parler de ça, c'est le mars, ça c'est le physique, ça c'est le vital, ça c'est l'astral, c'est le mental, c'est le supramental. Ben, c'est la même énergie, il y a des niveaux différents de réchauffement. Qu'est-ce qui fait que de rien, on peut durer ou perdurer, peu importe la durée? Mais justement, c'est que c'est, ce n'est pas ça. On ne dure pas et on ne perdure pas. On n'est pas là. Le rien a projeté accidentellement l'existence. Est-il devenu mémoriel? Pourrait-il encore projeter, ou bien a-t-il déjà projeté autre chose avant l'existence? Il a projeté souvent. Il y a même plusieurs créations. Mais vous ne retournerez pas dans une autre. Je vous en prie. N'y a-t-il... Le rien n'a rien engendré. Quand l'humain parle, bon, au début, il y avait le chaos. Encore au début, il n'y avait rien. Et puis, du rien est apparu le tout. C'était la philosophie. C'est pratique. C'est utile. C'est de la philosophie. Ça permet simplement de jouer sur les mots. Et jouer sur les mots, ça permet de faire des mathématiques spirituelles ou des mathématiques psychologiques. Ça permet de faire de la philosophie. C'est bon. Ça n'explique rien, mais c'est bon. Quand on dit, parle de la création ne vient pas de rien. Sauf qu'avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y a toujours rien, mais on pense à quelque chose. Et plus tard, ben, il n'y aura plus rien, puis on va savoir qu'il n'y aura rien. N'y a-t-il que le rien pour être conscient de ça? Il faudrait qu'on définisse le mot rien. Trop long? Non, c'est une conférence complète. Là, c'est on peut pas dire qu'il n'y a rien à dire là-dessus. De la conscience mêlée à de l'inconscience à ce niveau-là, qu'est-ce que ça donne? La conscience et l'inconscience, du point de vue de l'humain, c'est la même chose. L'inconscience, c'est la conscience qu'on n'a pas notre conscience. Mais c'est là. C'est la même chose. Est-ce la limite du savoir supramental? Non, le savoir supramental est limité uniquement par la sphère des galaxies. Mais le savoir supramental n'a pas de limitation comme l'humain. La sphère supramentale est limitée du point de vue de sa présence dans le contexte humain. Quand l'humain entre en contact avec le plan supramental et que l'humain se fusionne avec son double supramental, automatiquement la sphère supramentale n'a plus de limite, elle devient bouddhique. Elle n'a plus de limite, elle devient intentionnelle. Elle n'a plus de limite parce qu'il n'y a plus de limite, parce qu'il n'y a plus rien. Mais on est là. L'humain a une présence, conscience de sa présence uniquement à cause du temps. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de conscience de sa présence. Il reste là. Mais c'est différent. Nous, on aura la conscience de notre présence. On sera là. Mais on n'existera pas. Puis ça, c'est des choses qui n'appartiennent pas à la connaissance de l'ego. Énergiopathiquement, à un moment donné, il y a des individus qui vont comprendre. Et par le biais de leur ajusteur de pensée, il y en a aussi à un moment donné qui vont savoir à peine. Ils auront une saveur de... Ils ne pourront rien faire avec ça astralement. Donc, ils ne pourront pas en parler ou l'expliquer ou écrire un livre ou des choses comme ça. Quelle différence y a-t-il entre la joie et un sentiment de plénitude? C'est probablement la même chose. La joie, ce n'est pas nécessairement le grand sourire, les lèvres qui se rejoignent par en arrière. Non. La plénitude, c'est la joie. Comment puis-je devenir plénitude? En étant joyeux. Il n'y a rien d'autre à faire. Appliquez, vous en savez suffisamment, appliquez des choses. Le reste, il faut solidifier le corps physique, le système endocrinien, des choses à l'intérieur. Mais il faut s'appliquer. On doit appliquer. À quoi sert vraiment le corps physique, puisque les énergies n'y restent pas tout le temps accolées? Voyez-vous, ce qui arrive simplement, c'est que le corps physique est la garantie de votre évolution. Si vous n'auriez pas de corps physique, vous ne pourriez pas évoluer. Les énergies sont refroidies très rapidement. Le corps physique est une mémoire très puissante qui fait en sorte que ça ne se refroidit pas rapidement. Et c'est évident que plus on évolue, plus le corps, bien que salvateur, devient un handicap. Il évolue merveilleusement lentement et il évoluera aussi bizarrement lentement. Le corps physique est l'accumulation, c'est la résultante de l'alliance entre les différents plans. Donc, les quatre planétaires qu'on connaît, le cinquième avec le plan supramental à un moment donné, quand on pourrait toucher comme il faut. Le corps physique est obligatoire. L'astral vient et s'en va. Le mental vient et s'en va. Le supramental va venir et il part aussi dans une bilocation. Pourquoi les énergies ont besoin de la matière et la fuient-elles en même temps? On sent un mouvement de va-et-vient. Non, la matière fuit les énergies, puis les énergies ne peuvent courir après la matière. C'est ça qui se passe en réalité. Doit-on nécessairement passer par un trou noir pour avoir accès à un autre univers? Non, pas par transport séraphique. Le trou noir qui aspire est-il accolé au trou blanc qui éjecte? Sinon, les deux trous peuvent-ils s'attirer et se repousser mutuellement? Non, le trou noir est un univers en lui-même. Y aurait-il possibilité qu'un trou noir aspire un trou blanc et que celui-ci éjecte le trou noir par la suite? Théoriquement, oui, ça n'arrivera jamais. Est-ce par les trous noirs et blancs que l'on régularise les quotas d'énergie des univers? C'est l'une des choses qui régularise surtout la température d'un système universel. L'homme réussira-t-il par la science à créer artificiellement des trous noirs et blancs? Non. Non, parce que quand on va être rendu à un point scientifique où on va être tout près, et quand je parle tout près, disons quelques milliers d'années de là, on sera tellement avancé intérieurement qu'on n'aura plus besoin. Les techniques PMC préparent-elles l'humain à devenir un trou noir? Le double serait-il un trou blanc alors? Non. En termes spirituels, on peut considérer que oui, c'est que l'être humain qui évolue finit par augmenter tellement son potentiel d'énergie qu'il courbe l'espace-temps autour de lui, donc il attire vers lui. Principe du trou noir. Sauf que l'humain va vivre une fusion avec son double éthérique et par la suite, l'humain va vivre une expansion, donc il va aspirer une partie de la création, et disons qu'il va aspirer la galaxie, mais il n'aspirera pas, c'est que, ben oui, voilà. Un trou noir, qu'est-ce que ça fait? Faire la nuance entre l'humain, homme nouveau, fusionné, et le trou noir. Le trou noir, sa problématique, c'est qu'il n'inclut pas tous les espaces-temps. Alors, lorsque, par exemple, on prend un verre ici, le verre approche du trou noir, le verre est totalement détruit. Pourquoi? Parce que on sait peut-être que la gravité est égale à l'inverse est égal au carré de l'inverse de la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça attire, disons, de 2. Ici, ça attire pas de 4. Ça va attirer, par exemple, de 8. Et plus on s'approche, plus ça attire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie du verre ici est plus près du trou noir que la partie en arrière. Celle-ci étant plus attirée que l'autre, elle accélère. Le verre est totalement attiré, il éclate. Bon. L'être humain, lorsqu'il va vivre une mécanique, on peut parler de trou noir, mais ce n'est pas un trou noir, il va attirer et il va englober la galaxie. Mais la galaxie va venir, et parce qu'il inclut tous les espaces-temps, elle garde sa vitesse. Cela veut dire que tout ce qui est dans la galaxie n'est pas touché par le fait qu'il pénètre un trou noir. Un trou noir humain. On peut parler divin. De ce fait, l'humanité, les galaxies, les planètes ne sauront jamais qu'elles viennent d'être absorbées. Et du point de vue humain, on peut donc dire, au lieu que la galaxie est absorbée, que l'humain a vu que l'humain ascensionnel, fusionnel, a vécu une expansion qui fait que maintenant il englobe la galaxie. Alors, on a le choix, ou tu t'expands en trou blanc pour pénétrer et t'éparpiller dans la galaxie, ou tu restes un trou noir et elle vient chez toi, ben, c'est la même chose. Dépendamment simplement de quel bord on se pose, on est un trou blanc, on est un trou noir. Je suis certaine, il va se passer quelque chose. La quantité de temps et d'espace que nous fait gagner un trou noir par rapport à un temps et un espace linéaire est-il toujours la même d'un trou noir à un autre, ou est-ce relatif à la vitesse de rotation du trou noir? Non, c'est relatif premièrement à sa giration, mais en même temps, c'est relatif simplement à... Il nous paraît un trou noir, on n'arrive pas... Tous les trous noirs sont différents, les trous noirs ne sont pas créés pour la même chose, ils n'ont pas la même masse, et surtout, il n'y a pas la même masse de matière disponible dans la région où ils sont placés. En plus, il y a des trous noirs qui, effectivement, ont des rotations extrêmement rapides, d'autres des rotations extrêmement lentes, et il y a des trous noirs qui, à un moment donné, sont une puissance telle qu'ils vont eux-mêmes s'absorber. Donc, il n'y a pas de... À part certains points communs au niveau de la théorie, au niveau de la pratique, on ne peut pas parler d'un trou noir comme de l'autre trou noir. C'est un peu comme parler d'un univers par rapport à un autre univers. Ça n'a rien à voir. Mais on peut dire que c'est deux univers. Donc, ça a des points communs. Entre autres, ça n'a pas de point commun. C'est un point commun. Les trous noirs sont-ils placés de façon mécanique ou intentionnelle dans les univers afin de faciliter la rapidité de tout transport dont je ne peux apposer de nom? Le transport séraphique n'a pas besoin des trous noirs, je le répète. Il y a des énergies, c'est surtout des régulations thermiques, des échanges de régulations thermiques qui se font donc de régulation d'énergie, mais pas des énergies, enfin, c'est pas l'énergie que l'on connaît. Ce sont des énergies virtuelles qui sont échangées par les trous noirs. Et l'individu n'a pas besoin, dans l'avenir, on ne voyagera pas dans l'hyperespace, on va donc dans l'espace en ligne droite entre un espace courbe, on ne voyagera pas non plus à l'intérieur des trous noirs. Les trous noirs, c'est intéressant pour faire certains parallèles, ce sont des phénomènes qui existent évidemment, mais au niveau des transports, moi je préfère le transport séraphique, c'est moins compressant. Être partout, est-ce le fait que l'on peut passer en même temps à travers tous les trous noirs et tous les trous blancs? Ben, ça veut dire simplement que tous les trous noirs sont inclus chez nous. Les trous blancs aussi. Être, c'est devenir un immense trou noir sans trou blanc, et ce trou noir n'ayant plus rien à absorber devient le rien. Ça ressemble, d'ailleurs, c'est ce qui va arriver à l'univers, à la création. Alors, ça définit beaucoup plus le processus de résorption de l'univers. Processus qui va être enclenché que lorsque l'homme aura une gravitation suffisamment puissante pour venir juxtaposer sa gravitation de régression à celle qui freine présentement l'évolution expansive de l'univers. Qui s'occupe de la gestion énergétique de la planète Terre? On peut le nommer. Le personnage s'appelle Myriam. Qui est Myriam? Un paquet de personnes. Réincarnées aujourd'hui ou énergétiques seulement? Ce sont des personnes réincarnées. Plusieurs ne le savent pas. C'est la même personne réincarnée dans plusieurs individus. Plusieurs ne le savent pas. Et il y a plusieurs phénomènes énergétiques au niveau de ces personnes qui sont finalement la même personne. Et qu'a fait Myriam par le passé? Ben, les choses. Comme? Non, c'est des choses que tu sais, que tu connais, que la majorité ici savent. Ils connaissent simplement pas le nom. OK. C'est son nom d'agent secret. Y a-t-il une possibilité de jeu dans le quota énergétique de la planète, genre de carte de crédit énergétique, permettant à l'homme d'évoluer plus rapidement sans pour autant assujettir le tiers de l'humanité ou la pénaliser? Non. Pour la simple raison que l'humanité qui ne serait pas assujettie, si toute l'humanité serait bien et à l'aise, toute l'humanité n'évoluerait plus. Tant que l'être humain fonctionne avec les lois de l'air du poisson, il avance uniquement à coups de pied. Il évolue parce qu'il fuit la souffrance et parce qu'il cherche la récompense et le plaisir. Si on lui donne le plaisir alors qu'il n'a rien trouvé, il cesse son évolution. C'est pourquoi on donne $1 million à quelqu'un, il va s'arranger dans 5 ans pour repartir à zéro. Tous les pays, regardez ceci. L'Inde a déjà été extraordinairement puissante. Pourquoi c'était la pauvreté? L'Égypte, ça a été formidable. C'est plus ça. Le Portugal, dominer le monde. L'Espagne, dominer le monde. L'Angleterre, meilleure flotte sur le monde. La France, Napoléon, l'Italie, les Romains. On a eu les Perses. On a eu la Macédonie. On a eu l'Égypte. Tous les pays. L'Afrique, c'est l'Égypte. Non, rien à faire. Aujourd'hui, au niveau de l'Amérique, on a les États-Unis, le Canada. Mais toute l'histoire de notre humanité peut nous enseigner qu'effectivement, à un moment donné, ce fut l'abondance. Les Mayas l'ont eu à un moment donné. Mais un jour, bien, les sacrifices humains. Le sang coulait sans arrêt sur les pyramides, ce qui fait que ça crée des problèmes. Des guerres avec les autres. Et toujours, l'humain qui va bien s'arrange toujours pour aller mal. Pourquoi? Parce que c'est finalement sa façon d'avancer. Jusqu'à temps que l'intelligence vienne s'installer chez lui. Alors il devient conséquentiel et écologique. Et il ne fait plus ça. Là, il sera capable d'avancer convenablement. Mais il ne mettra pas des enfants au monde comme ça pour finir. Il ne détruira pas toutes ses ressources. L'humain ne fera pas ce que l'humain a fait. Les différentes formes de moi-même, par exemple celles de 1 an, de 20 ans, de 40 ans, etc., existent-elles en même temps, mais dans des temps parallèles? Oui. Si tel est le cas, peut-on dire que tout existe en même temps dans des temps parallèles? C'est, d'ailleurs, c'est uniquement ce qui arrive. Le passé, c'est présent. Quand vous vous rappelez quelque chose, vous en rappelez maintenant. Quand vous pensez à l'avenir, c'est maintenant. Tout ça est présent maintenant. C'est une question de déplacement de la conscience. Ce qui nous donne l'idée du temps. Mais le temps est une farce. Le temps n'existe pas. Tout est instantané. Qu'arriverait-il si, dans un même temps, toutes ces formes de moi se retrouveraient, ayant été volontairement projetées et focalisées? C'est ce qui va arriver quand vous allez vivre votre fusion avec vous-même. Et c'est ce que j'explique aussi quand l'humain doit commencer à rajeunir. C'est-à-dire qu'il doit, j'en ai déjà parlé dans une conférence régulière aussi. Vous savez, les conférences régulières, on répète des choses pour que le public comprenne. Puis à travers tout ça, on rajoute plein de choses que le public ne comprend pas. Qui s'adresse à d'autres. Et on a parlé de la façon de retrouver, disons que j'ai 30 ans, alors on retrouve le 29, le 28, le 27, etc. Et finalement, on devient un enfant qui a l'expérience de l'adulte. Qu'arriverait-il si, hors du temps, toutes ces formes de moi occuperaient un même et unique espace? Il semble que rien n'est impossible. Tout est possible. Et il va arriver, d'ailleurs, c'est ce qui va arriver aussi. Ça fait partie de tous les processus de l'homme nouveau. Qu'est-ce qui vous allez arriver ici? Quand ça va se faire, vous allez simplement être en train, vous allez être dans une conscience temporelle archaïque, c'est-à-dire que vous allez être capable d'avoir une néoconscience et une paléoconscience, une vieille et une neuve et une présente. C'est ce qu'on appelle la fusion. L'individu qui se fusionne inclut dans l'instantanéité tout ce qu'il est. Vous diriez tout ce qu'il a été, tout ce qu'il sera. C'est le processus même. La science est maintenant capable de dématérialiser des solides et les projeter dans des temps parallèles. Peut-elle aussi dématérialiser des liquides et des gaz et les projeter à travers le temps et l'espace ou dans les temps parallèles? Oui. Par exemple, peut-on faire surgir dans une maison des odeurs vraiment désagréables? Oui. Comment... Mais les odeurs, ça peut venir aussi de d'autres choses. Comment discerner ces odeurs de celles que l'on dit odeurs de sainteté? C'est ça qu'ils appellent des têtes de sœurs? C'est ça qu'ils appellent des têtes de sœurs? Ah oui, c'est ça. Je pourrais répondre à la question comme la question elle est posée, mais je peux aussi rajouter simplement, c'est que c'est préférable que ça sente chez vous votre odeur uniquement. Tous les plans. Parce que l'odeur de sainteté, c'est l'odeur de martyr. Finalement, c'est une mémoire, c'est une ambiance. C'est uniquement des mémoires. Et même blanche ou n'importe quoi, c'est. Quand on parle d'odeur, on parle de vibration. Mais, tu sais, sainteté, ça a deux colorations. Tu as celle qui est astrale, celle qui a été communiquée qui est à la masse, tu as celle qui ramène à l'humilité. Oui, à une pureté. Mais mais il n'y a pas d'odeur de pureté chez vous, à moins que toi, tu sois pur. OK, mais donc, si la personne n'est pas pure, c'est vraiment les odeurs de sainteté qu'elle perçoit. À moins qu'une personne sainte soit rentrée chez toi. Mais là, il n'y a que l'odeur qui vient se promener. C'est des mémoires astrales, ce sont des fantômes. les odeurs de sainteté. Après une conférence, je suis arrivée chez moi tout énergisée. Je sentais beaucoup d'énergie vitale autour de moi et des picotements et de la chaleur dans le corps physique, des mains jusqu'aux épaules. Mais comment faire pour conserver et intégrer cette énergie vitale? Rien à faire, vous allez absorber la dose que vous pouvez absorber et le reste va s'en aller dans un égrégore, qui est un égrégore qui ramasse l'énergie pour qu'elle puisse resservir à un moment donné. Et c'est correct comme ça, c'est bien. Je savais qu'en prenant une douche, j'étais pour ne plus la sentir. Alors avant, j'ai fait une prière mentale ou récité les actions PMC pour essayer, pour essayer de ne pas gaspiller l'énergie et de la loger dans mon égrégore personnel, ou plutôt individuel. Mais il me semble que ça n'a pas fonctionné car je pouvais toujours sentir l'énergie. Oui, ça fonctionne énormément. La seule chose qu'il y a, c'est que l'énergie que vous êtes en train d'assimiler, vous continuez à la sentir. De toute l'énergie que vous ne sentez pas et qui vous entoure encore comme un halo, un voyant pourrait vous le dire. Cette énergie-là est partie dans un égrégore, justement. Quoi faire d'intelligent pour ne pas gaspiller cette énergie tout en pouvant quand même me doucher? Il faut simplement laisser les choses aller telles qu'elles sont, rester vivant, puis à un moment donné, quand vous aurez besoin, quand vous serez capable d'absorber plus d'énergie, l'énergie placée dans l'égrégore va maintenant descendre et aller vous énergiser. Cette énergie-là n'est pas perdue si vous êtes à la hauteur de vous-même. Cette énergie-là n'est pas perdue. Où s'en va l'énergie lors d'une douche? Ces molécules s'accolent-elles à celles de l'eau? Non, l'énergie du contact avec l'extérieur s'en va. Ça va refroidir la peau, ce qui fait que le corps va cesser d'absorber de l'énergie. Et le reste de l'énergie va simplement aller se placer dans un égrégore qui est en affinité avec l'énergie même qui s'en va. De l'énergie supramentale, égrégore supramental, de l'énergie mentale, égrégore mental. Qu'est-ce que cette énergie a-t-elle une constitution chimique? Elle a une constitution énergétique et à un moment donné, elle se matérialise en ectoplasme. On parle de neige supramentale ou de pluie supramentale. Et un jour, l'humain pourra la matérialiser aussi directement sous forme utile. Parce que manger de la manne, c'est compliqué. Parce que ça tombe, pouf! Et le temps que tu apprennes, c'est plus là, c'est sèche. La matière, c'est déjà à partir de suite, c'est... À un moment donné, l'humain va être capable de se créer ses aliments simplement, comme ça. Est-ce qu'une autre personne pourrait temporairement aspirer cette énergie? Par imprégnation, oui. Et me la rendre par la suite, et cela sans coloration? Faites confiance qu'il ne vous la rendra pas. C'est mieux un égrégore. Et l'égrégore PMC sert à ça, justement, ce que la personne faisait. Est-ce que ça deviendra complètement nécessaire pour l'homme nouveau de ne plus avoir aucun contact avec l'eau puisqu'il peut perdre ainsi beaucoup d'énergie? Non, parce que l'énergie que vous perdez, c'est de l'énergie qui de toute façon va s'en aller dans l'air ou c'est de l'énergie que votre corps physique n'a pas été capable d'absorber et donc il ne pourra pas l'absorber immédiatement. C'est exactement comme si vous disiez, on m'a servi un plat à manger, là je le mange, mais là il en reste. Si j'en mange plus, je vais tout l'avoir. Non, tu vas s'en aller des toilettes aussi, mais après avoir usé ton corps physique. Oui, mais c'est dommage, c'est pas dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en servir? Absolument. Est-ce qu'il peut te le remettre? C'est cannibale, oui. Sinon, non. Et il y en a marre d'énergie, il n'y a pas de problème. Le corps physique se transformera-t-il en conséquence? À la longue, plus vous allez avancer, effectivement, plus votre corps physique va être capable de ramasser de l'énergie. Mais plus vous allez être capable de vous entourer d'énergie, donc vous allez encore en perdre une partie. Mais elle n'est pas perdue si on est capable d'être à la hauteur de ce qu'on est. Ça va dans un égrégore, et cet égrégore-là, de l'énergie, il ramasse de l'énergie mentale ou supramentale, et à un moment donné, il va la redonner quand l'humain n'aura besoin, lorsque l'humain sera dans une situation où il n'y en aura pas. Il n'y a pas de problème. Vous la placez dans un accumulateur, c'est pas perdu. As-tu bonne semaine?